Noël en Bretagne par Jules Claréci. En Bretagne, là-bas, dans la petite église, les braves gens, pêcheurs pour la plupart, sont venus fêter la Noël, écouter, parmi les ex-voto naïfs, la messe annuelle de minuit. Au dehors, la mer gronde peut-être. Les rafales du vent font pleurer le clocher ajouré qui, gris l'été, a sans doute, cette nuit, sa blanche parure de neige. Peut-être encore cette neige frappe-t-elle aux vitraux sertis de plomb. Les marins n'écoutent pas, n'entendent pas la menace de la grande mangeuse en ses colères d'hiver. C'est la voix de l'orgue qui les charme, l'autel illuminé de cierges qui les hypnotise. Et les femmes prient pour que les gars partis reviennent, pour que les Terre-Neuve revoient la lande, les genêts dorés du pays. Briseux a chanté ce Noël de Bretagne que l'artiste contemporain évoque avec tout le charme même du poète de Marie. Il a entendu sur les lèvres gercées des pêcheurs les mots d'espoir et de tendresse, le cri d'amour qui traversa les âges, paix sur la terre au cœur de bonne volonté. Il a, sous la lune claire, par le chemin glacé, et pour rencontrer à la place d'habitude sa Marie en coiffe blanche autant que Jésus dans sa crèche, il a suivi à travers la lande le long cortège des pêcheurs se rendant, une lanterne à la main, à l'office de minuit, et cette vision de la pauvre église pleine de pauvres gens courbant leur front nu, cette scène, d'une intimité poignante, il l'a notée, et notée en pleurant car en cette nuit de Noël, c'est en vain qu'il cherchait la fillette du pont Kerlo dans la foule agenouillée. Fini son rêve. Le rêve, pour les pêcheurs d'Armorique, recommence tous les ans. Et tous les ans, là-bas, dans la petite église, Yann et God, les fiancés de Lottie, coude à coude, prient pour le repos des vieux, l'âme des trépassés, et saluent la crèche de paille où l'enfant venu pour sauver les hommes leur sourit, tendant vers eux ses petites mains lourdes d'espoir. L'espérance, le viatique de l'humanité en marche. Et tous nos ressouvenirs d'enfance se raniment à la vue de ce tableau des humbles. C'est en Périgord, ou en Limousin, la même longue théorie de gens se rendant à la messe, où, sur le banc de famille, sont marqués les noms des vieux. C'est le cantique qui monte, le vieux Noël du paysan. Il est né, le divin enfant, le chant d'avènement de celui qui donnera sa vie pour le monde. C'est aussi le salut à l'an neuf qui approche, au jour plus long qui arrive. À Nato, d'un pays des jours. À Noël, les jours allongent d'un pied de coq, et ce coq semble chanter l'année nouvelle avec le cri joyeux du pays de Gaulle.